ce qui a toujours été le vœu secret que j'ai fait en commençant à faire de la musique, c'est-à-dire proposer une musique qui n'impose rien, qui ne cherche pas à convaincre, qui ne s'étaye pas de théorie, mais qui soit un univers capable de susciter chez celui qui écoute des images, son propre reflet en quelque sorte. Nous revenons encore à ce reflet, son miroir, que ce soit simplement un miroir fait de sons dans lequel chacun peut retrouver sa propre image.